Première partie. 1. Tiens, voilà mesdames les tantes qui vont à la messe. Mademoiselle Anatolie, auprès de la fenêtre, dans le recoin que formait l'épaisseur des murs, faisait ses devoirs. Anatolie d'Arbène, et qui, avec son prénom de soleil levant, n'était qu'une fillette de 15 ans, vêtue de noir, dans une maison provinciale et triste. De sa main gauche, elle écartait le rideau. Et de sa main droite, elle tenait son porte-plume appuyé sur son menton. À l'autre fenêtre, et dans un recoin pareil, sans bouger aucunement du lent tricotage de ses brassières charitables et gardant les yeux baissés, la grand-mère d'Anatolie, Madame d'Aberville, répondit « Ah !» Et ce fut tout. Anatolie continua d'examiner, à travers les vitres, sur la place, le paysage qu'elle avait devant elle tous les jours. C'était la place du Parvis, à Castillac, petite ville du Périgord. Il y avait d'un côté l'église, très sculptée, peu ajourée, une guipure et non pas une dentelle de pierre. Une jolie œuvre du style roman. De l'autre côté, sur un terre-plein, le château des seigneurs de Castillac, ruiné à la Révolution, et qui ne dressait plus, mais haute, que sa façade, comme un décor de romantisme. On y voyait les nuits d'été la lune, habitante de rêve, et qui se mettait aux croisées vides. De la même voix que précédemment, Anatolie recommença. « Mesdames les tantes vont à la messe. »« Mais, petite, tu me l'as déjà dit. »« Dame, quand je vous l'ai dit, c'était vrai. »« Et c'est encore vrai. Mesdames les tantes vont à la messe. »« Je vous le redis parce qu'il n'y a rien de nouveau à vous dire. »« Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans la vie. » Elle soupira et attendit avec sécurité l'effet de son soupir. Madame de Berville laissa ses deux mains et le tricot tomber sur ses genoux. Il sembla qu'elle était éveillée soudainement d'une méditation vague et que son esprit se posait sur une idée qui valait la peine de s'arrêter. Elle regardait sa petite fille avec une sorte d'inquiétude. Elle lui dit « Petite, tu t'ennuies ?»« Mais non, grand-mère, pas du tout. » Anatolie apportait à sa dénégation l'entrain le plus gentil. Seulement, l'on ne pouvait s'y tromper. Et plus elle affirmait qu'elle ne s'ennuyait pas du tout, plus était manifeste le marasme de sa destinée. Elle ajouta « Ce qui m'ennuie, c'est Ramsès Ier, Séti et Ramsès II, Métamoun, dit Sésostris. Pourquoi me fait-on apprendre ça, je vous le demande? C'est trop loin, ces bonnes gens-là. C'est trop loin, je n'en ai que faire. » Attentive, la grand-mère tâcha d'intéresser Anatolie à cette histoire qu'elle sentait bien surannée. « Eh oui, mais enfin, c'est le passé du monde. Et ainsi nous apprenons de siècle en siècle, comme le monde est vieux. » Voilà justement ce qui n'est pas drôle. Cette vive remarque de la fillette renversait tout l'argument de la grand-mère. « Tu as raison, Vitelle, ce n'est pas drôle. » Entre la vieille dame et la jeune fille, il y eut un silence, où elles furent, l'une et l'autre, à plaindre diversement la vieillesse du monde. La vieille dame, en outre, songeait à elle-même et à ses 74 ans, et à tout le passé morne qui entourait, pressait et accablait l'adolescence d'Anatolie. Un passé très ancien, plus proche, presque récent, vivant encore et qui prolongeait jusqu'à la petite enfant. De nature gaie et de velléité ardente, les âges lointains, fatigués et mourants. Au bout de quelque temps, elle dit « Bah, laisse tout ça et va te promener dans le jardin. Les feuilles poussent déjà. Tu verras comme c'est joli. Va à mon printemps. » « mais non, j'aime mieux en finir avec Métamoun. Après, mon Dieu, après, on change de dynastie. C'est toujours autant de faits. D'ailleurs, je ne lui en veux pas à Métamoun. Il s'est allié avec les Éthéens, après avoir été longtemps avec eux en état d'hostilité. » Je n'y peux rien. Ce que je trouve, c'est que si, un beau jour, on décidait de supprimer l'histoire... Ma pauvre petite, on ne supprime pas l'histoire, pas plus qu'on ne se débarrasse des années qu'on a sur le dos. Anatolie parut déconcertée un instant. Elle reprit. On ne supprime pas l'histoire, mais on l'oublierait. Si on brûlait tous les vieux livres qui la racontent, on ne saurait pas que le monde est si vieux. On démolirait les vieilles maisons. Et les vieilles grand-mères, qu'est-ce que tu en fais? Anatolie ne répondit pas. Elle mordit son porte-plume. Elle eut beaucoup de peine, et preste, elle chercha une diversion à ses propos qui avaient mal tourné. Bientôt, elle riait. « Je me demande... »« Quoi donc ?»« Rien, c'est une mauvaise pensée. » Alors... Et la grand-mère donnait à entendre que dans ces conditions, elle n'insistait pas. Anatolie avait l'air enchantée. Sa mauvaise pensée, elle ne se tint pas de la dire. « Je me demande ce que je choisirais d'être méchante comme tante Henriette ou bête comme tante Pauline. Petite !» Et la grand-mère, indignée, fit un involontaire mouvement du pied, qui renversa son tabouret. Ce léger accident lui arrivait plusieurs fois par jour. Il coïncida parfaitement avec son indignation, qui eut ainsi tout l'éclat possible. Anatoli, qui riait, se leva comme d'habitude pour ramasser le tabouret, le remettre d'aplomb. Et la grand-mère, dans son étonnement scandalisé, souriait aussi. Mais elle affecta d'être sévère et grave. « Petite, prends sur l'étagère au paroissien mon évangile. »« Bien, l'évangile de Saint-Luc. Au chapitre, donne, c'est ça. Et puis, écoute, en ce temps-là... »« Ah oui, c'est l'évangile du pharisien. Je sais, je sais. » »« Écoute, le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres gens. » Anatoli riait de bon cœur, et la grand-mère également. Anatoli se corrigea ainsi. « C'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû dire, je me demande si je choisirais, au bout du compte, d'être bonne comme tante Pauline ou intelligente comme tante Henriette. Seulement, vous savez, grand-mère, ça revient au même. Crois-tu ? J'en ai peur. Et puis, que voulez-vous ? J'ai beau faire, j'ai beau essayer, j'ai beau m'appliquer, je ne peux pas aimer les tantes. Je ne peux pas. D'ailleurs, vous non plus, vous ne les aimez pas. « Mais si, répartit la grand-mère, avec plus de voix que de tendresse. Mais non, mais si, elles rendent mes fils très heureux. Oui, oui, je n'en doute pas, mais enfin, les oncles, ah ça, les oncles, ce sont mes fils. Ne vous fâchez pas, grand-mère, vous n'aimez qu'une personne au monde. Aimer. Enfin, ce qui s'appelle aimer, une seule personne, et c'est moi. » Avec une tendresse bourrue, la grand-mère répondit. « Eh bien, ne le dis pas. »